le whisky. Allez, il arrive. Avant le champagne. Putain, elle est bien ce. Franchement, elle est pas mal. C'est une vraie flûte.